Looking to the sea, crowds of people wait for me. Seagulls scavenge, still ice cream. Worries vanish within my dream. I lift my soul. Donc là, nous, on va sortir d'ici. L'Orient. Donc, on va sans doute prendre. Il y a deux passes. Passe ouest, passe est. Donc, on va sans doute prendre la passe est. Quoi que t'appelles les passes ? Enfin, les entrées-sorties, quoi, tu vois. D'accord, ok. Donc, t'as deux les chenaux, en fait. Donc, soit celui-là, soit celui-là. Donc, là, le vent, il va plutôt nous pousser par là. Et on va là-haut. On va à Béline. Ok. Donc au final, c'est. Donc on va, tu vois, le plateau des Birvido, il est là. Donc j'aime autant l'éviter, ouais. Parce que c'est là que ça lève et tout ça. Donc ce qu'on va faire, on va taper un brin sur Etel, donc la rivière d'Etel est là. Donc on va faire ça. Après, on va remonter sur aux environs de Quiberon, ici. Tu vois, d'ailleurs, lui, il a fait, tu vois, aux environs de Quiberon, t'évites le plateau, comme ça. Et puis après, tu vas à Béline. Donc pour trouver ton cap. Alors là, on va le prendre de droit, par exemple. Si tu vas, le palais, c'est si tu vas, le palais, c'est là. Là. Là. Alors, vu qu'on sait que c'est un bateau qui est un peu chitard, en fonction du vent qu'on a, on prend Harry, on s'emmerde pas. Voilà, ça devrait aller quand même pour l'instant. On va prendre le génois, mais le génois, on va pas le dérouler entièrement. On va voir par rapport au comportement du bateau. C'est pas la peine de se retrouver non plus à l'attaque. Ça, c'est pas dur à enrouler. Ah non, c'est avec le bout de jaune là. Tu tires et puis il rentre tout seul. Hein. Enfin, tu largues. Tu le déroules avec le bleu là du coup. Ouais. Et tu le renroules avec le jaune. Voilà. Sans le moteur, c'est quand même assez agréable. Ah bah ouais. Tiens, il y a des spi au large. À coup sûr, c'est peut-être une des régates du spi West France. Et puis ben, si on voit qu'on se prend des claques devant, et ben, tu prends un deuxième riz, un troisième riz, tu enroules le génois, okay. Et t'appelles ta mère. Et du coup, pour faire un point de relèvement, ouais, tu prends deux points que tu connais, que tu vois au large. Je prends la mer, par exemple, à Château d'Eau, ouais. On en voit un là-bas. Je pense que c'est le Château d'Eau d'Etel. D'accord. Donc sur ton compas de relèvement, tu vas avoir un cap. Ouais. Après tu vas prendre, je sais pas s'il y a une antenne, quelque chose, tu vas prendre une antenne. D'accord. Qui est répertoriée également sur la carte. Réussir un peu. Ouais. Et tu vas par rapport aux deux points que tu vas avoir, tu traces. Ok. Tu fais un tracé et tu sais dans quel carré tu es. Ok, d'accord. Ouais bah si, je vais une casse d'âge aussi, c'est parfait. Après là-dedans t'as des trucs. Oh mais morbier tomate séchée. Parfait. Ouais, ça doit être pas mal. Ah bah ce que je fais tout le temps. Et vous avez fait 10 000 courses en fait. Ah bah maman, j'ai fait une liste de courses. Ouais. Elle a tout pris. Mais en plus quoi. Alors je pense qu'on n'est pas obligé d'aller au resto ce soir. Ouais non. On va juste acheter du pain à Béline. Ouais. Enfin, ça va être gaffe à l'essence quoi. Gaffe à l'essence. Ah oui, avec vos clubs. Ouais. Dis donc, on a cramé 14 bêtes. Ouais. Le nôtre a survécu. Tu vois, celui-là il est quasiment neuf. Hein, la ville, le monsieur, il s'appelle pas. Oui, c'est dans le truc ou pas ? Ouais. Vous avez pissé dans le truc là ? Ah, là-dedans, non, jamais. Putain, je crois que tu disais à la capitaine. Ah bah non, j'ai pas de place. Là-bas, la merde. J'ai pas sur la chaise. Mais moi j'ai peur, du coup tu peux couler le bateau, c'est ça, si tu fais mal les... Ah, si tu fais pas gaffe, ouais. Oh, ça serait con. Bon, on sait pas ce qui s'est passé, la bouteille de rhum est définie. C'est ça, le bateau a coulé d'un coup d'avant. Les contours qu'on n'a pas compris, mais il a piqué du nez d'un coup d'un seul. Et donc, bon, ils veulent fermer leur gueule avec leur gros bateau là, mais on peut faire plus de bruit que vous. Hein. Mais ça, c'est typique hein, des les gens qui ont des gros camions, des gros bateaux, des gros, gros trucs. Pas de retenue. C'est ça, exactement. Mais ça se coule un bateau. Il suffit de mal fermer les chiottes, les gars. Oh merde, oui, d'ailleurs. Oula, quoi. D'ailleurs, je crois que je vais aller pisser, je crois que je vais aller à la capitainerie. On peut laisser dégourdir juste les jambes jusqu'à la capitainerie, ouais. Pour machin. Faire. Et puis on peut faire ça, on revient, on mange. Donc là, pas prêt. Ouais, moi ça me va. Toi aussi. Mais par contre, le jour avant l'Orient, j'avais les amygdales gonflées et tout, à moitié fièvre et tout. Le corps était en train de surcompenser à mort, comme, ouais, si, ouais. Comme si t'as chopé une merde. Et le lendemain, nickel. Et la veille, je vais faire un enchaînement de vélo course à pied, juste une demi-heure. Ouais. J'avançais à rien, j'étais à moitié fiévreux. Et du coup, ton corps surcompensait. Bah, du coup, ouais. C'est fou quand même. Sylvain, il me dit, ouais, t'avais les amygdales gonflées et tout. Moi, je me dis, ouais, c'est bon signe. Ça, c'est qu'est-ce. Ouais, tu vas marcher demain. Mais je suis là complètement, ouais, je sais pas. C'est... Et puis au final, là, l'échauffement, je sentais que ça allait nickel. Et je... Ok. Je fais une super course. Non, mais je crois que c'est là toute la différence entre le cycliste de base, si tu veux, qui bourrine. Parce que, en fait, la sélection pour les championnats de France, je crois, Bretagne, d'abord, c'était derrière une bagnole. Ouais. Alors, les cyclistes, ils sont forts là-dessus. Donc, quoi il, bah, il mettait 20 mecs ou 30 mecs derrière une bagnole, ouais. Il accélérait progressivement et il sélectionnait leur, ça, leur lascar, ça se pue, bien d'accord. Mais, et en fait, il sélectionnait ceux qui allaient courir au championnat de Bretagne ou Franche. Les derniers qui décrochaient. Voilà. Déjà celui-là, il est bon là, il est arrivé bon là, il est bien là, il est bien, il est chaud. Et au final, le mec, aussi bien il faisait rien parce que. Ah oui, ce jour-là, oui. Non, et puis la course, c'est pas du tout pareil. Ah non, puis le cyclisme déjà, le cyclisme pur, attends, la mentalité n'est pas la même. Oh oui, ça va. Il y avait juste... Bon là il y a un moment là, avant qu'on faisait la pétole, autant c'est un peu chiant, la pétole, tu sais, t'es là, voilà, et puis t'avances au caveau, parce que là, on mettait pas le moteur, il sera encore. Bah, il avait dit minuit, hein, je pense. Non, après le vent s'est un peu levé quand même, mais... Bon bah minuit... Demain matin, ça devrait être pareil, début de journée. Mais quand ça va se relever, ça va faire comme ouais. Sauf que ça se décale 15h30, c'est pas possible. Tu vois, avant, c'était que ça. Tout le temps. Tout le temps. Ça devait être cool, les mecs qui déboulent avec leur guitare. Tu vois, là, sur les photos, d'ailleurs, que des icos dans tous les sens. Je crois peut-être, de toute façon, il y a du monde. Mais oui, normalement. Il est sorti. Tu restes deux secondes ou... Oh, ouais, moi, je vous attends là. Ouais, ça caille dans. Je surveille bien. On la connaît pas, mais des chansons qui font la fête. Et crois-moi, depuis le temps que je traîne, j'en ai vu pousser les rengaines de Macao à la barbarie. Ça fait une veille que je me balade. Et crois-moi que ça peut faire aux vieux une bande de ruines autour des yeux. les filles belles à aimer, et la chanson qui te fait pleurer, et même si t'as pas navigué, t'as le droit de boire avec les autres. T'es quand même un frère de la côte, et t'as même le droit de la gueuler. Mon petit garçon, mais dans ta tête, il y a des chansons qui font la fête. Et crois-moi, depuis le temps que je traîne, j'en ai vu pousser les rengaines de Macao. La barbare, ça fait une veille que je me balade, et crois-moi que ça peut faire aux vieux une bordée de ride autour des yeux. Et il y a le temps qui mouille au dehors. Hey! Ça fait une paille que je me balade, et le temps qui passe a fait aux vieux une bordée de rides autour des yeux. Allez, Jojounou l'Irlandais, t'as appris quand tu naviguais pendant ton escale à Galway. Du temps où t'étais tribordé, du temps où c'était pas la joie, veillé au grain dans les pavois, les mains coupées au vent glacé, sans même la force de fredonner. Mon petit garçon, mets dans ta tête, y'a que les chansons qui font la fête. Et crois-moi, depuis le temps que je traîne, j'en ai vu pousser des rengaines. De Macao à la Barbade, ça fait une paille que je me balade, et le temps qui passe a fait aux vieux une bordée de rides autour des yeux. Et y'a le temps qui mouille au dehors, dans la toiture y'a le vent du nord, les yeux des filles belles à aimer, et la chanson qui te fait pleurer. Et même si t'as pas navigué, t'as le droit de boire avec les autres. T'es quand même un frère de la côte, et t'as même le droit de la gueuler. Mon petit garçon, mets dans ta tête, y'a que les chansons.